choses. Tu es prêt à faire feu. Beaucoup de nous ont essayé de se désintoxiquer. Réanimer les vrais balades, ça leur fait tous pas. La seule chose qui puisse encore changer notre vie, c'est l'amour et puis l'envie. Et même un peu la mort, d'accord. À leurs questions existentielles sans pour autant porter à leur esprit de doute qui garantit l'intelligence. C'est pour ignorer que sans doute